qui doulait, qui m'allait. 500 ans conquistador vivait ici, tout l'Occident rassemblé pour fêter. Richesse libre, c'est la fête, Yokari. Mais faut dire, pour y'a trappé tout ça, y'a ni jodi. Y'a pillé, massacré, un continent tout entier. Dime que pasa, Cimarron, ay de que pasa. Dime que pasa, Cimarron, ay de que pasa. El conquistador, cambia la fiesta, multicaida. El conquistador, cambia la fiesta, del bala. Qui tupé, ay bon Dieu, par mot, par digesse, pour réparer. Swinger, s'en foutait, si marron, yo brillé, c'est la vie qui y prend, innocent, et la vie d'un frère ou famille, ceux qui souhaitent, l'eau consent, pour y attraper l'or.